Depuis l'aéroport de Blagnac, Pascal avait pris une navette jusqu'à la place Jeanne d'Arc, en plein centre-ville, puis un taxi pour la conduire à l'hôtel des Beaux-Arts, où elle avait réservé une chambre. Elle eut le plaisir de découvrir que, selon ses désirs, ses fenêtres donnaient sur la Garonne. Sur Garonne, disaient les Toulousains, le fleuve autour duquel s'organisait la ville étant ainsi personnifié. Elle changea ses mocassins pour des tennis confortables et descendit à la réception, où on lui remit les clés de sa voiture de location. Ensuite, il lui fallut plus d'une demi-heure pour s'extraire de la circulation, très dense, et gagner la rocade. Parvenue sur l'autoroute A68 en direction d'Albi, elle se détendit enfin. Cette fois, l'aventure prenait forme, se concrétisait. L'agence immobilière lui avait aimablement envoyé un jeu de clés qui lui ouvrirait les portes de Pérol. Elle allait pouvoir en prendre possession. Tout en conduisant, elle observait le paysage avec une sorte d'avidité, à l'affût d'images familières. Elle quitta l'autoroute à Marsac, franchit le Tarn et se dirigea vers Castelnau. À chaque kilomètre qui la rapprochait de la maison, sa maison, elle sentait son excitation augmenter. De quelle manière les locataires successifs avaient-ils transformé les pièces ? 20 ans plus tôt, elle s'en souvenait parfaitement. La plupart des murs étaient blancs ou de couleur pastel. Sa mère avait les papiers peints et les motifs en horreur. Elle n'aimait que la clarté, le dépouillement, affichant une prédilection pour les dessus de lit et les rideaux en piqué unis. Ici ou là, elle mettait parfois une touche de rouge ou de noir dans la décoration, avec un vase ou un meuble laqué, et il y avait toujours d'énormes bouquets de fleurs dans des jarres posées à même le sol. Les hauts murs de Pérol apparurent enfin, et Pascal se gara juste à l'endroit où le taxi l'avait attendu un mois plus tôt. Trop pressée pour rentrer la voiture, elle se contenta d'entrouvrir la grille et se glissa dans le parc. Réfrénant son envie de courir, elle remonta l'allée à grandes enjambées. Si le gravier était toujours aussi fin, presque blanc, en revanche la pelouse se desséchait et les chardons y proliféraient. Les arbres lui parurent immenses, plus grands que dans son souvenir, mais bien sûr 20 années s'étaient écoulées. Elle s'élança vers le perron, le cœur battant, et s'énerva sur le trousseau avant de trouver la bonne clé. Enfant, elle se contentait de claquer la porte. Elle parvint enfin à l'ouvrir, remarqua distraitement qu'elle grinçait sur ses gonds, puis elle pénétra dans le vaste hall d'entrée. Sous ses pieds, le dallage blanc à cabochon noir luisait dans la pénombre, patiné par le temps, creusé par les innombrables passages. Elle se rappela avoir essayé là des patins à roulettes reçus un soir de Noël, provoquant ainsi une série de traînées caoutchouteuses que sa mère avait eu un mal fou à effacer. Une seconde, elle ferma les yeux et visualisa la maison. À droite du hall se trouvait le salon, immense, et au-delà un couloir desservant la bibliothèque où son père s'isolait volontiers, ainsi qu'un tout petit boudoir où sa mère aimait coudre. À gauche, la salle à manger, l'office, la cuisine, le vestiaire, tous pourvus d'immenses placards. Face à elle, au fond du hall, deux doubles portes vitrées donnaient sur le jardin d'hiver, prolongé d'une véranda. Elle rouvrit les yeux, poussa un profond soupir. Elle adorait l'idée de tout cet espace autour d'elle. Mais comment allait-elle l'occuper, seule ? Pérol était une maison de famille faite pour abriter des cris d'enfants, des galopades et des rires, de grandes tablées. D'un pas décidé, elle entreprit le tour du rez-de-chaussée, ouvrant les volets un à un. Les peintures étaient un peu défraîchies, et les parquets des pièces de réception abîmés à certains endroits. Mais dans l'ensemble, les derniers occupants avaient été assez soigneux et Pascal pourrait s'installer sans travaux à prévoir dans l'immédiat. Au premier étage, elle trouvera l'ancienne chambre de ses parents en bon état, malgré l'usure de la moquette. À l'époque, le sol était fait de tomettes et devait être récupérable, à condition que personne n'ait eu la mauvaise idée d'utiliser de la colle. Plantée au milieu de la pièce, elle se demanda avec quoi elle allait meubler tout ça. Depuis son divorce, le peu qu'elle possédait était stocké dans un garde-meuble de la région parisienne, mais ce serait dérisoire ici. « Qui êtes-vous ? » lança une voix essoufflée derrière elle. Réprimant un cri d'effroi, Pascal fit volte-face et découvrit un homme d'un certain âge, vêtu d'une combinaison de travail, qui la contemplait avec une expression sévère. « Vous m'avez fait peur ! » protesta-t-elle. « De quel droit êtes-vous entré ? Je suis chez moi. »« Vous ? » ?»« Sûrement pas. La maison n'est plus à louer. » Elle est à vendre. Or, je ne vois pas la dame de l'agence. Suspicieux, il toisa Pascal des pieds à la tête. « Cette propriété appartient à mon père, Henri Fontanelle, » répliqua-t-elle. Elle vit les yeux de l'homme s'agrandir sous le coup de la stupeur. Sans la lâcher du regard, il bredouilla. « Vous seriez la petite Pascal ?» Docteur Pascal Fontanelle, oui. Et vous? Lucien Lestrade. Vous ne vous souvenez pas de moi? Brusquement rassurée, elle se détendit d'un coup, prenant conscience de la frayeur qui l'avait tenaillée durant cet échange. Si, bien sûr, le jardinier. Et vous vous occupez toujours du parc, n'est-ce pas? Je fais ce que je peux. Deux après-midi par mois, ce n'est pas assez. Votre père m'a appelé la semaine dernière pour me demander de mettre tout en ordre. J'ai pensé que c'était mieux pour vendre. À vrai dire, je suis en train de lui racheter Pérole. Je vais m'y installer. Il recula de deux pas, comme si elle venait de le frapper. Ici? Vous êtes folle! La réaction de Lestrade était exactement semblable à celle de son père et de son frère. Qu'y avait-il donc de si terrible dans le fait qu'elle veuille habiter Pérole? Vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Non, répondit-elle d'un ton sec, mais ça viendra sûrement. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais continuer ma visite. Elle passa devant lui et se dirigea vers la porte, vaguement mal à l'aise. Pourquoi ne ressentait-elle aucune sympathie pour cet homme qu'elle connaissait depuis son enfance? Combien de fois avait-elle glissé sa petite main dans la grande main calleuse, tandis qu'il lui nommait une à une les fleurs que plantait sa mère? Il lui emboîta le pas pour sortir de la chambre, et elle l'entendit se racler la gorge. « Pascal, écoutez-moi. Vous devriez repartir d'où vous venez. C'est plein de mauvais souvenirs pour vous ici. Pourquoi tenter le diable ?»« Le diable ?» répéta-t-elle en haussant les épaules, exaspérée. « Et vous, monsieur Lestrade, pourquoi n'avez-vous pas rendu votre tablier de jardinier ?» Comme il ne répondait rien, se contentant de la fixer en silence, elle enchaîna. « De toute façon, je n'aurai sans doute pas les moyens de vous garder, je suis désolée. »« Ne le soyez pas, je comprends. D'ailleurs, votre père ne voulait pas me garder non plus, et puis... la nature prolifère à une vitesse folle ici. »« L'avantage, c'est que tout pousse, tout prend racine. » Mais l'inconvénient, c'est que le parc est difficile à maîtriser. Alors ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un coup de main pour rien, au moins au début, le temps de vous y faire. Pérole n'est pas une sinécure, vous verrez. » Il soupira, sortit un mouchoir de la poche de sa salopette et s'épongea le front. Ses rides étaient profondément creusées, sa peau tannée par le soleil. Maintenant qu'elle le regardait sans inquiétude, elle constata qu'elle aurait dû le reconnaître tout de suite. « Au fait, laissez tomber le monsieur. » Et appelez-moi Lucien. Nous sommes de vieilles connaissances, vous et moi. Est-ce que vous aimez les fleurs? Votre mère les adorait, la pauvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dit-elle en hésitant. Mais maman est décédée il y a peu. J'étais à l'enterrement. Pas de doute. Elle est vraiment mieux là où elle est. Cette dernière remarque était si incongrue que Pascal, abasourdi, ne trouva rien à répondre. Lucien Lestrade n'avait évidemment pas été tenu au courant de l'état de santé de son ancienne patronne. Que trouvait-il de réjouissant à sa mort? « Bon, j'y vais, décida-t-il. J'ai du travail dans les massifs. » Il saisit fermement la rampe de fer forgé et entreprit de descendre l'escalier, laissant Pascal bouche bée. Au bout de quelques instants, elle se pencha pour s'assurer qu'il était bien parti. Curieux bonhomme. Traversant le palier, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Jusque-là, elle n'avait pas éprouvé grand intérêt pour les fleurs ou les plantes. Se prendrait-elle au jeu comme sa mère? En bas, sur la pelouse jaunie, Lestrade avait récupéré sa brouette où s'entassaient des gants, un arrosoir, des cisailles. Peut-être s'imaginait-il être le gardien de Pérole? Les locataires avaient défilé, mais lui était toujours là, et il semblait décidé à rester, quitte à travailler gratis. Elle se détourna de la fenêtre et parcourut la galerie en hâte, ouvrant les portes l'une après l'autre. 6 chambres et 3 salles de bain. Rien n'avait changé à l'étage non plus. Mais toutes ces pièces désespérément vides paraissaient à l'abandon. La dernière porte, plus étroite et verrouillée, donnait sur l'escalier du grenier. Pascal reprit le trousseau de clés dans la poche de son blouson en jean et batailla un moment avec la serrure. Lorsqu'elle parvint à ouvrir, le bâton céda avec un bruit de caoutchouc déchiré. Tout le tour du chambranle avait été calfeutré, probablement pour éviter les déperditions de chaleur, car la charpente n'était pas isolée au deuxième étage. De la poussière et des toiles d'araignée s'étaient accumulées sur les marches de bois brut, preuve que personne ne montait jamais là-haut. En prenant pied sur le plancher du grenier, Pascal eut la surprise de découvrir une véritable caverne d'Ali Baba. Au premier coup d'œil, elle reconnut des meubles familiers, identifia des objets. Un impressionnant bric-à-brac avait été relégué là depuis plus de 20 ans, sans doute pour pouvoir louer la maison en vitesse. « Eh bien voilà, s'exclama-t-elle. Sa voix résonna sous les poutres de chêne et les tuiles roses du toit. Il régnait une chaleur sèche, irritant la gorge. Mais elle s'attarda un peu afin de répertorier ce qui pourrait lui servir. Des fauteuils de rotin laqué blanc à remettre dans le jardin d'hiver. Une commode ventrue qui serait parfaite dans sa chambre. La grande table régence qui retrouverait sa place dans la salle à manger. Et un paravent de laque rouge que sa mère avait décoré elle-même à l'encre de Chine. Recréer en partie le décor de son enfance n'était peut-être pas une bonne idée, mais elle en mourait d'envie. Et de toute façon, elle n'aurait pas les moyens d'acheter du mobilier avant longtemps. Sur le point de quitter les lieux, ravie de sa découverte, elle aperçut son reflet dans un grand miroir vénitien posé contre un mur. Elle s'approcha, considéra un moment son image rendue floue par la couche de poussière. Que faisait-elle donc, seule, dans le grenier de Pérole ? Pourquoi Samuel ne l'avait-il pas aidée à avoir les enfants qu'elle désirait tant, à fonder une famille ? Il s'était dérobé au lieu de lutter avec elle, conduisant ainsi leur couple à la faillite. Et à présent, elle devait absolument rattraper le temps perdu, parce qu'elle avait déjà 32 ans. « Je ne te le pardonnerai jamais, Sam, » dit-elle entre ses dents. Après leur séparation, elle était beaucoup sortie pour s'étourdir, mais n'avait rencontré personne d'intéressant, malgré tous les hommes que ses amis s'empressaient de lui présenter. Au bout du compte, elle avait préféré prendre des nuits de garde plutôt qu'aller à ses soirées où elle s'ennuyait à mourir. « Tout ça, c'est terminé. Je vais changer de vie, » lança-t-elle au miroir. Elle était jolie. On lui avait suffisamment répété pour qu'elle finisse par le croire. Elle exerçait un métier qui la passionnait et elle allait habiter Pérole. L'avenir ne tarderait pas à lui sourire. Elle esquissa un geste d'encouragement à l'adresse de son reflet avant de se détourner.